J'écris avec mon sang sur les murs de ma prison. Les mots bien trop étranges, peut-être des illusions. J'écris avec mon sang sur les murs de ma prison. Je resterai bien cent ans, mais sans perdre la raison. J'écris avec du sang, des paroles et des mensonges. Je ne suis plus une enfant, mais je mens avec affront. J'écris sur les murs détruits, je voudrais finir ma vie. C'est impossible même si tout est déjà fini. J'écris avec mon sang sur les murs de ma prison. Bien trop étrange, peut-être des illusions. J'écris sur les murs détruits, dans un silence éternel. Révoltée, je suis réduite, et je combats ma peine. J'écris avec mon sang sur les murs de ma prison. Très bien cent ans, mais sans perdre la raison. J'écris avec du sang, des paroles et des mensonges. Je ne suis plus une enfant, mais je mens avec affront. J'écris sur les murs détruits, je voudrais finir ma vie. C'est impossible même si tout est déjà fini.